tout le monde et bonjour Mathis. On espère que tout le monde va bien. C'est mercredi ensoleillé aujourd'hui. Un petit peu. Mais bon, on sait jamais. Il fait un peu froid, mais un petit peu. Ah, tout à l'heure on a eu un peu à Orléans. Ah bah moi j'ai rien vu. Ah bah nous on s'est un peu tapé la pluie, mais bon, c'est pas grave. Et pourtant il est quand même en t-shirt. Hein. Faut pas dire. Mais en fait il fait un peu chaud ici, à vous. Non, moi je suis en pull en attendant. Bon, Lucie n'a pas chaud. Aujourd'hui, nous serons dans notre émission avec vous de 16h jusqu'à 18h, comme d'habitude. Aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de... Chronique. Et oui, car aujourd'hui, nous recevons une grande artiste avec nous pour une interview, qui est Daniela Nunquès, qu'on va pouvoir interviewer dans quelques minutes, ou dans une vingtaine de minutes, n'est-ce pas Lucie? Oui, on va lui poser des questions. Des questions que vous avez posées aussi, oui. Qu'on a demandé lors de nos anciennes émissions, de nos dernières plutôt. Et si vous avez des questions d'un minute, n'hésitez pas à nous appeler. Lucie est là pour noter, je suis là pour noter. Donc n'hésitez pas à nous appeler au numéro. Au 02 38 43 48 00. Et voilà, appelez-nous si vous avez des questions à poser à Daniela, tout type de questions. En tout cas, nous aborderons plusieurs thèmes qui sont déjà son parcours, son album qu'elle a sorti il y a 2 mois, ses futurs projets, ce qui arrive à venir et vos questions que nous avons déjà. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler au numéro que Lucie a dit. On vous attend. De notre interview qui va arriver, écoutons du Daniel Henriquez avec Baila Moche, Sem Per Lompa. Toda vez que eu paro em teu olhar, mil loucuras, eu estou sempre a pensar, és desejo, és vontade de dançar, és o vinho que me deixa embriagar. com S. Ficou fora de mim, fora de mim. Não dá para disfarçar este meu olhar, que só te quero a ti, só quero a ti. Mais bonjour, bonjour à Lucie du coup qui est avec nous aussi. Bonjour. Et bonjour Lucie. On voulait tout d'abord vous remercier d'accepter l'interview avec nous. Avec grand plaisir. Et on avait prévu plein de petites questions avec plusieurs thèmes. Avec tout d'abord votre profil à vous. Mm-hmm. Ensuite, de votre album qui est sorti il y a 2 mois, mais qui est tellement incroyable. Et la religion portugaise est tellement fan déjà de Alma. Ah, ça me touche. Des questions des auditeurs qui ont été posées lors de nos émissions et des questions sur vos futurs projets. D'accord. Mais on est prêt aussi. Mais en tout cas, surtout nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, si vous avez des dernières questions de dernière minute, n'hésitez pas à nous appeler au numéro que vous connaissez, au 02 38 43 48 00, pour poser des questions à Daniela, qui est là pour nous répondre aujourd'hui. On va commencer l'interview, si c'est bon pour vous, Daniela. Oui, c'est bon. Je te laisse l'honneur, Lucie, de commencer. Ok, je commence alors. Alors, comme première question, ce sera du coup sur votre parcours. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots votre parcours scolaire ou parcours en général ? Mon parcours en général ? Alors, dans tous les cas, mon parcours en général, ça englobe aussi la musique, parce que la musique, elle a toujours été dans ma vie. Donc, moi, depuis petite, que je disais que je voulais être chanteuse. Donc, je voulais vraiment apprendre des instruments, je voulais avoir des cours de chant, mais mes parents, ils n'avaient pas du tout les moyens financiers pour que je puisse suivre ce chemin-là. Donc, ça n'a pas été possible. Donc, tout mon parcours, j'ai fait la scolarité au Portugal jusqu'à mes 16 ans. Donc, au Portugal, j'ai eu mon diplôme en soutien de... technicienne de soutien psychosocial, parce que j'aimais aussi tout ce qui était psychologie et aussi le côté social. Ensuite, je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans. J'ai habité au Portugal jusqu'à mes 16 ans. Ah oui, quand même. Un grand plaisir d'être née au Portugal, quand même. Jusqu'à mes 16 ans, ouais. Je suis arrivée ici en pleine adolescence. Donc ici, je suis allée au lycée directement. Enfin, j'ai arrêté un mois pour apprendre le français parce que je ne savais pas dire un seul mot de français. J'avais fait de l'anglais. C'était hyper compliqué au début. Je savais parler... donc à l'école, j'avais fait anglais, espagnol, mais français, rien du tout, vraiment. Donc ici, j'ai arrêté un mois pour apprendre le français. J'ai quand même, heureusement, la facilité d'apprendre les langues. Ah bah. Et ensuite, ici, j'ai eu mon CAP, mon bac... Mais toujours à cause de la musique, hein. Les week-ends, c'est toujours en train de chanter. Donc, au Portugal, j'avais commencé à chanter dans les karaokés, toute petite, à l'âge de 5-6 ans. Ensuite, j'ai connu la chanteuse Ruth Marlène à l'âge de 7 ans. Wow. Donc, petite, j'ai commencé à chanter avec elle dans ses spectacles. Je montais sur scène, je chantais une, deux chansons. Ensuite, à l'âge de... grande artiste. Oui. D'ailleurs, on se traite comme marraine fiole du fait que elle c'était mon idole. C'est vraiment la personne que j'aimais en tant que chanteuse. C'était une de mes références musicales quand j'étais petite. À l'époque, c'était pichke-pichke, tout ça. Tout le monde écoutait. Et j'ai eu la chance de l'avoir connue en vrai et qu'on a mis 10 ans au jour d'aujourd'hui. Hein. Que d'ailleurs, elle était en Orléans. Il y a 2 ans, elle était venue nous chanter à la Saint-Jean. Exactement. Elle était venue, oui. Je me rappelle. Et donc, à l'âge de 13 ans, il y a un producteur qui a voulu investir en moi. Donc, j'ai commencé un projet que je n'ai pas pu finir. C'était très compliqué à l'âge de 13 ans. On est encore dépendante de nos parents. C'était super compliqué. Entre temps, je suis arrivée en France. Donc, ça n'a pas abouti. Et donc ici, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à chanter avec un monsieur au santé. Et ensuite, j'ai intégré le groupe Fréquence, avec qui je suis depuis plus de 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans cette année. Donc voilà, j'ai commencé avec eux à l'âge de 17 ans. J'étais encore mineure. Et je n'ai jamais caché cette volonté de faire ma carrière solo. Donc cette passion, elle est vraiment depuis toute petite, en fait. Petite, oui. Elle a toujours existé, au moins, c'est bien. Et en tout cas... Donc allô ? Oui, je vous entends. Non, c'est juste que ça avait coupé. Mais du coup, cette passion est un peu, grâce à votre idole Ruth Marlène, un peu ? Non, parce que la passion, vraiment, je l'ai toujours eu. Hein. Toujours eu. 2-3 ans, mes parents, ils ont des vidéos, j'ai toujours chanté. Tu veux être quoi ? La question qu'on pose toujours aux enfants, moi, ça a toujours été, je veux être chanteuse. Donc après, je l'ai connue qu'à l'âge de 8 ans. Mm-hmm. Mais je pense qu'elle m'a, elle m'a quand même aidée dans le sens où elle m'a toujours dit « vas-y ». Mais sinon, c'est tout. Hein. C'est tout. La passion était déjà là, quoi. Oui, tout à fait. En tout cas, une passion qui est devenue concrète et réelle à l'heure d'aujourd'hui, car vous avez quand même de nombreux fans déjà maintenant. En tant que chanteuse de Daniela Enriquez, si on peut le dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je commence maintenant à me rendre compte de ce qu'on parlait justement avant qu'on soit en direct, que je commence maintenant à me rendre compte de la notoriété que je commence à avoir. Et ça me touche énormément, quoi. Des enfants, même des personnes âgées, ça me... en fait, tout public, quoi. Et ça me touche énormément. Ah bah vous conquérissez le cœur d'énormément de fans ici. En tout cas, ma grand-mère, comme je l'ai dit tout à l'heure, est la plus grande fan, je pense, déjà de vous. Ah, j'ai hâte de la connaître, la rencontrer. Elle sera devant la scène, elle ne va pas bouger, elle ne va pas vous quitter. Ah, oh, j'adore. Vraiment. Ce que j'aime, voilà, une des choses que j'aime le plus, à part chanter, c'est vraiment le contact avec le public. Parce que je suis vraiment la même personne. La Daniela de tous les jours, la Daniela sur scène est vraiment la même. Et les gens qui me connaissent le savent. Donc, ça me touche énormément, le contact avec le public. J'adore vraiment. C'est le plus important, hein, surtout dans tout métier après, mais c'est le plus important. En tant que chanteuse, je pense que c'est le lien avec le public qu'on a, c'est vraiment quelque chose de... Ça va tout faire. Oui. C'est important. Et puis, à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, tout ça, je pense que ça a toujours été, mais plus maintenant, on a quand même une influence au niveau des vies des personnes. Il y a des gens qui vont regarder nos vies. On peut influencer parfois leur vie aussi. Tout Donc, fait, c'est extrêmement important, ça. Bah vous le faites grâce à vos réseaux sociaux, car tous les jours, vous publiez un peu votre vie. Quand on vous suit, on vous regarde un peu. Oui. Mais aussi grâce à vos musiques, ils ont des paroles qui touchent, qui impactent les personnes. Donc, la musique fait encore plus de choses auprès des gens. Oui. Écrire un livre. Oui, c'est ça. L'album, il s'appelle Alma aussi pour ça. C'est le premier. Tout d'abord, c'est le plus important, c'est le premier. Et puis, 7 des 10 chansons ont été écrites par moi, à laquelle il y a toujours une histoire, ou pas, derrière la chanson. Mais c'est un message que j'ai voulu passer au public. Donc ça me touche encore plus, le fait que ça touche le public, parce que c'est des chansons qui ont été écrites par moi. Quand j'entends le public chanter, c'est waouh. Ça doit donner déjà encore plus d'émotions intérieures, je pense. Ça doit aussi donner des émotions aussi. Mais justement, en parlant de Alma, pourquoi vous avez choisi le nom Alma pour votre premier album? C'était drôle parce que j'avais déjà le nom en tête. Et normalement, les chanteurs, les artistes, ils vont donner à l'album le nom d'une des chansons. Normalement, le mien, ça aurait dû être Danse conmigo, Danse avec moi. Et le producteur, il m'a demandé, bon, alors quelle chanson? Je lui ai dit, non, mais il n'y a pas de chanson, c'est Alma. Parce que justement, dans cet album, j'ai mis toute mon âme. Donc ça ne pouvait pas être autre nom à part ça. En tout cas, c'était un beau titre avec des très belles musiques. Et vous avez eu ce côté original de... tout autre artiste qui, comme vous l'avez dit, qui met le premier un titre et qui est un des plus connus. Tous vos titres pour nous en ce moment sont très connus. On peut voir grâce à Deezer et sur Spotify que les titres qui les plus écoutés sont différents. Par exemple, comme j'ai vu sur Deezer, votre titre le plus écouté c'est Baila Moche, Certe Rumba. D'accord. Alors que sur Spotify c'est Danse avec moi. Donc on peut voir que... Ah, ça a changé parce que la semaine dernière, c'était Danse conmigo. Ah, bah... sur Spotify. En tout cas, c'était les chiffres de hier qu'on a pu voir quand on finissait les petites finitions de l'interview. Mm-hmm. En tout cas, c'est les chiffres qu'on avait vus. Après, ça peut changer à tout moment parce que les gens... Oui, c'est vrai que cette semaine, j'ai pas encore je me suis pas encore penchée dessus, j'ai pas regardé. Sur YouTube, je sais que c'est Danse conmigo. Oui, car votre... Vous comptez avec plus de 18 000 cas. Le clip qui est incroyable aussi avec, je crois, un paysage portugais, c'est ça? Comment? Le clip de Danza Kumig qui est fait au Portugal. Oui, c'est au Portugal, oui, à mon village. Ben, Donc même dans le détail du clip, j'étais chercher des endroits qui me disaient beaucoup. Ça a été vraiment mon âme du début à la fin. Non, ben, en tout cas, il est incroyable votre clip et votre album, tout à fait. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai une autre petite question. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit top 3 des titres qui vous tient le plus à cœur? Oui. Alors, le premier, ça va être Phil. C'est celui que j'ai fait pour ma fille. Donc, je pense que celui-ci, c'est celui qui va rester pour toujours pour moi et pour ma fille. Donc, dans ma vie musicale et personnelle. Ensuite, le Danse à Danse Comigo, parce que c'est celui que j'ai créé et que est resté aussi sur la... qui a touché le plus le public aussi. Et le troisième, j'aurais dit aussi Danse avec moi. Danse avec moi et Danse à Comigo qui est un peu, comment dire, en français et en portugais. Oui, c'est le même truc. Oui, c'est le même titre, c'est la traduction finalement. Mais l'histoire n'a rien à voir. Pas du tout. On a regardé les paroles, les années, tout à fait des musiques différentes qui donnent envie de danser. Et d'où les titres. C'est vrai. Et par rapport à vos titres que vous avez faits, quelle était votre plus grande inspiration? J'ai toujours été inspirée, j'adore écrire. Et je peux écrire une chanson, par exemple, Danse Danse Comigo, ça a été écrit en moins de 20 minutes. Ah oui, ah oui, ça va. C'était vraiment, j'adore écrire. Hein. Mon producteur, il était parti faire 2-3 courses, je suis restée au studio, et il est arrivé, j'avais cette chanson de près. Il m'a dit, mais c'est toi qui as écrit ça? J'adore écrire. Donc, j'essaye en fait de... D'abord, je pense ce qui me plaît. Jamais je chanterai quelque chose qui ne me plaît pas. Donc, je suis un peu têtue dans ce sens-là, surtout musicalement. Parce que parfois, et c'est arrivé pour mon album, qu'on me propose des chansons, j'ai refusé. Tant que je ne les sens pas, je ne les chante pas. Donc, ça fait que mon inspiration, automatiquement, c'est des choses que je ressens, donc que je pourrais chanter. Et je vais chercher une chose de ma vie. Par exemple, danser avec moi, ce n'est pas une histoire vécue par moi, mais que ça arrive, par exemple, dans les fêtes portugaises au Portugal. Parce qu'on se croise, les Portugais avec les Français, elle ne sait pas parler français, lui ne sait pas parler portugais. Donc, mon inspiration, c'est vraiment au quotidien. Les histoires des autres, l'histoire aussi de ma vie, c'est mes inspirations. En tout cas, des très... La vie réelle, finalement. Oui. Oui, clairement, la vie réelle au Portugal, en France, votre vie à vous. C'est ça. Mais en tout cas, une très belle plume, en ce que je constate, et qu'on aime tous, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, on va passer à des petites questions que les auditeurs veulent vous poser. Pardon. Ok. Alors, je vais commencer avec la première qui vient de Émilie, qui est « Pourquoi avez-vous choisi Melodia do Emigrante ?» Je crois que c'est comme titre, je crois que c'est bien dit. Excusez-moi, j'ai pas d'accent, j'ai rien, donc... Pourquoi j'ai choisi le titre? Oui, le titre. Parce qu'au 12e couplet, justement, il y a cette phrase-là, « Me vous dire do immigrant » et mon but, c'était justement que ce soit ça, que cette mélodie-là, ça a été écrit par moi aussi, également, cette chanson. C'est rigolo, ça a été écrit... d'ailleurs, la veille que je parte du Portugal, donc je suis partie au Portugal faire mon album, l'enregistrer. Mmh. Et en même temps, j'écrivais des chansons. Et donc, ça a été écrit, le soir de la veille avant que je rentre en France. Et donc, le deuxième couplet, justement, il y a la phrase « Mélodie du migrant ». Et j'ai voulu de suite ce titre parce que mon but, c'est justement que cette chanson devienne la mélodie des émigrants. Bah qui devient le son un peu, qui est douce, assez douce, je trouve, pour moi en tout cas. Ça raconte la vie de l'émigrant. Hein. Mmh. Et en fait, ça, c'est des paroles douces, mais qui racontent la vie dure que l'émigrant a. Mmh. Justement, les paroles qui disent, c'est très compliqué de partir, mais c'est compliqué aussi de revenir dans notre pays. Oui, on peut le voir pour certaines en tout cas. Oui. Moi, personnellement, j'ai déjà connu un peu, mais en tout cas, c'est une belle musique qui reste dans nos têtes et les paroles de Melodia do Migrante restent aussi. Voilà. Mais voilà l'explication pourquoi j'ai choisi ce titre-là. En tout cas, Émilie a voulu dire que c'était son titre préféré de cet album au passage. Je pense que c'était un message caché. Oui, pour dire que... C'est gentil, merci beaucoup. Ensuite, nous avons une question de David. David qui demande, comptez-vous faire un prochain album? Alors... pas cette année. Mmh. Et puis honnêtement, je sais pas si je vais tout de suite faire un album. Je pense que dans le futur proche, ce sera une chanson, deux chansons. Là, j'ai voulu vraiment marquer le coup avec un album, mais pas tout de suite un album. D'accord. Bon, en tout cas, on attend vos futures chansons. Mais tout d'abord, nous avons l'album Alma qui est tellement incroyable. En plus, il vient de sortir le 5 avril. Il a même pas encore 2 mois. Non, même pas. Sur YouTube, il a écrit 2 mois, mais... Même non, pas encore. C'est sorti le 5 avril. Le 5 avril. Donc, on fêtera les 2 mois le 5 avril. Ouais. Pas 5 avril, du coup, le... 5, en fait, quand je viendrai à Orléans, ce sera les 3 mois. Les 3. Ah bah oui, tout à fait. Et on a hâte de vous découvrir le 6 et le 7, du coup, juillet. Ah, également. Moi, j'ai hâte de venir aussi. En tout cas, une autre question que je vais te laisser, Lucie. Alors, cette question, elle vient de Lola. Est-ce qu'il y a d'autres artistes, à part celles que vous avez citées, une grosse merde, qui vous inspirent pour vos chansons ou autres ? Votre vie. Alors, pas forcément pour mes chansons, parce que, voilà, mes chansons, c'est vraiment ce que je... Quand on m'a demandé, par exemple, quand on choisit de suivre ce chemin-là, on nous demande quel style musical, quelle inspiration. Mmh. Moi, j'ai voulu créer un peu mon style, même si ça va à l'encontre d'autres artistes. Après, musicalement et vocalement, une chanteuse que j'adore au Portugal, c'est Lucena Blue. Moi, personnellement, je ne connais pas, mais à découvrir. C'est vrai. Elle a une voix exceptionnelle. Peut-être de nom, non, mais peut-être de musique, oui. Ce qui est souvent le cas pour moi, en tout cas. Non, après, c'est pas quelqu'un qui suit vraiment une vie d'artiste. Là, je sais qu'elle présente un programme à la télé et tout ça, mais vocalement, elle a une voix très, très, très, très puissante. Bah, découvrir en tout cas, on note pour nos prochaines découvertes dans notre émission avec Lucie. Non, elle est vraiment super. Une question de Maxime maintenant. Pouvez-vous nous parler d'une chanson en particulier qui vous tient à cœur et son histoire ? Alors. Parce que j'ai parlé de celle de ma fille, j'ai parlé de celle des migrantes aussi. Alors, laquelle je peux parler ? Si vous voulez, je vous en donne une. Ma préférée, en tout cas, de l'album. Oui. Je ne sais pas si je vais très bien le dire, mais c'est « Baila moche, sem te rompa ». Oui. Alors, là, il n'y a pas d'histoire derrière. Parce que ça a été écrit par mon producteur. Donc, je pourrais vous parler de l'histoire de celle que j'ai écrite. Bah, pas de souci. Mais celle-ci, c'était vraiment une chanson qui m'a été proposée, ainsi que O Bailarino. C'était deux chansons écrites par lui. O Bailarino, Bailam Chente Europa. Et l'autre, c'était Como Te Amo. La petite bachata aussi. Elles ont été écrites par mon producteur. Et non, j'ai pas parlé du Danse avec moi, si. Non, on a juste dit que c'était un peu le lien avec Danse un Kung. Pas vraiment, mais je l'entends français et portugais. Oui, il y a aussi Vamos Cantar a Vida, qui est aussi écrit par moi. Ou Amour, non, elle sait aussi. Oui, tout ça, ça a été écrit par moi. Mais par exemple, puisqu'on est en France, on va parler du Danse avec moi. Je pense que c'est. voilà. Et alors, c'est une histoire qui n'a pas du tout. Ça ne s'est pas passé avec moi du tout, mais j'ai créé cette histoire dans ma tête. Donc, d'une fille qui est dans une fête au Portugal et que ça fait longtemps qu'elle regarde un garçon, mais lui parle pas du tout portugais. Donc, elle lui dit, ça suffit que la distance nous sépare. Au moins ce soir, apprends-moi à parler français et danse avec moi. Je sais qu'après tu vas partir en France. Donc, l'histoire raconte un peu tout ça. Je sais qu'après tu vas partir, mais au moins ce soir, danse avec moi. Donc, un amour entre un portugais et une française, si j'ai bien compris. Comment ? Une histoire entre un amour entre une portugaise, une française et un portugais. Si, l'inverse, une oui, ça dépend qui c'est qui l'a. Oui, mais du coup, oui, une portugaise en français ou vice versa. Mais c'était un peu l'histoire que j'ai voulu créer. Très belle histoire sympa, en tout cas. Encore une fois, je me suis mis dans la peau de certaines personnes à qui ça peut arriver. Hein. Donc, et je suis sûre que ça arrive dans les balles portugais au Portugal au mois d'août. Ça c'est sûr, je pense. Je pense aussi, oui. En tout cas, une belle musique Danse avec moi, avec un titre français du coup. Vous êtes française, oui. Portugaise, donc vous avez eu un peu la touche des deux nationalités, on va dire. C'est bien, parce que vous mélangez un peu les deux aussi, c'est bien. Oui. Alors, il n'y a qu'une phrase, mais je me dis, ça reste dans la tête quand même. Ah bah, elle reste dans la tête. Bah, en fait, ça nous surprend de vous entendre de parler en français d'un coup. Je pense dans la musique. Au début, moi, quand je l'ai écouté, je n'avais pas vu les titres parce que j'ai mis l'album sans regarder les titres. J'écoute juste. Oui. Et vous entendre parler en français d'un coup, ça nous a fait. Ah, elle a. Du coup, ça, on se dit, bah, elle est française, du coup, on se pose des questions, etc. C'est ça. Non, j'imagine, oui. Non, j'ai voulu mettre un petit peu. C'est ma deuxième langue maternelle, hein, finalement. Oui. Du coup, vous l'avez appris quand vous êtes arrivé en France, si je ne me trompe pas. 8 ans, je crois. 16 ans. Que 16 ans. Ah, oui. Que je suis arrivée. 8 ans, c'était Ruth Marlène. Oui, oui. Je suis arrivée à 16 ans, oui, en France. Donc, on continue avec d'autres questions, si vous voulez. Oui, bien sûr, j'ai le temps. Il n'y a aucun problème. Alors, on a une question de Maria qui nous demande quel est le moment le plus important de votre carrière jusqu'à présent. Ça a été vraiment le, jusqu'à maintenant, le travail en studio. Le fait de, je suis là. Le fait de, d'écrire mes chansons, de passer de l'autre côté, de les enregistrer, de les écouter. Je pense que tout ça, c'est un, ça a été un processus de réalisation. Enfin, ça a été la, la réalisation de mon rêve. Et pour moi, c'était le plus important du, sans ça, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas fait des spectacles, je serais pas passée à la télé, j'aurais pas de spectacle. Donc, ça m'a, je crois que c'était le moment le plus important de tout ce processus. Ça a un peu aidé la concrétisation de votre rêve, je veux dire. Ça, complètement, oui. C'est dur, ça doit être dur à réaliser que vous aviez un rêve qui était quand vous étiez petite et enfin maintenant ça, c'est vrai, c'est réel. C'est pas facile à réaliser. Je pense que oui. Honnêtement, je pense que je ne réalise toujours pas. je pense que je suis encore un petit peu dans ma bulle. Après, j'ai toujours été dans la musique. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui s'est fait en claquement de doigts. Ça a été vraiment quelque chose de vraiment très réfléchi, très élaboré. Je voulais pas faire avec n'importe quel producteur, je voulais pas faire n'importe comment, donc c'était vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Donc j'ai eu le temps d'assimiler tout ça, mais comme j'ai dit tout à l'heure, la notoriété, j'ai pas encore eu le temps de me. J'ai pas encore réalisé. Bah, je pense que ça va se réaliser à force de concerts. Peut-être le 6 et 7 juillet, vous allez vous dire, ah, le nombre de personnes qui, là, je réalise. Qui est devant. C'est possible, oui, c'est vrai. Mais déjà, ça m'est arrivé ça ce week-end. Hein. Ce week-end, ça m'est arrivé ça. J'ai chanté donc, pour les Portugais de Pau. Et donc, la salle était remplie. Il y avait des gens à l'extérieur. Et quand je commence à chanter, que je vois que tout le monde connaît mes paroles, que limite, enfin, quand j'ai arrêté de chanter, tout le monde continuait. Et là, je me dis waouh. Vous avez ressenti quoi comme émotion à ce moment-là? Pendant le spectacle, ça m'a touchée, mais le lendemain, je pense que c'est plutôt le lendemain que j'ai eu que j'ai réalisé en regardant la vidéo. Et là, oui, mais les larmes qui ont coulé, c'est une fierté de pouvoir en arriver là. Et c'est ce que j'ai dit pendant le spectacle. Je sais que si on compare à d'autres artistes, c'est peut-être rien là où j'en suis. Peut-être qu'il y a des artistes qui disent non, mais ça, c'est rien. Moi, je suis plus connue que toi, je fais plus de cas que toi. Oui. Ok. Mais pour moi, de pouvoir en arriver là avec mon effort, mon investissement aussi financier, hein. Pour moi, tout le travail que j'ai eu pour en arriver là, pouvoir monter sur scène, avoir des gens qui m'attendent, des gens qui chantent ma chanson, peu importe s'il y a 50 personnes, s'il y en a 10 000, je suis quand même très fière. Il y a quand même 10 personnes qui sont déplacées pour me voir, ou 10 000. Mais ces personnes-là, elles ont arrêté ce qu'elles étaient en train de faire pour venir en voir. Et ça, pour moi, c'est j'ai tout gagné. En tout cas, si tu me grande fierté que je pense que vous avez ressenti l'accumulation d'un grand rêve, la concrétisation. En tout cas, je pense que déjà nous on sait pas chanter donc on n'aurait pas pu. faut pas nous demander beaucoup, mais ça va être. Vous avez réussi à tout gérer, je veux dire. Ouais. Sur scène, vous avez réussi à Les émotions, vous n'avez pas paniqué ou etc. Non. Et bizarrement, c'est très rare. Je stresse jamais avant de rentrer sur scène. Ah ouais. Non. Jamais. Alors, jusqu'à au début, oui. Au tout début, oui. Mais plus maintenant. Alors, il y en a qui vont dire c'est pas bien, ne pas stresser. Peut-être qu'il y aura des occasions que je vais stresser. Hein. Alors, moi, je sens que je ne stresse pas. Mais les gens autour de moi me disent que je stresse. Donc, c'est peut-être qu'en stress que je suis passée aux autres et que moi, je me rends pas compte tellement je suis dans le truc du spectacle. Les autres, ils me disent que je stresse, mais moi, je ressens pas du tout le stress. Mais parce que j'adore ce que je fais et pour moi, c'est normal de monter sur scène comme vous, par exemple, quand vous allez au travail à la radio ou je sais pas si vous avez d'autres emplois à part ça, vous êtes peut-être pas stressé. Et moi, c'est pareil. Pour moi, c'est mon travail, c'est ma passion, je vis de ça et je veux surtout pas passer le stress au public. Et je sais que si on rentre stressé sur une scène, automatiquement, les personnes, elles vont sentir que vous êtes stressé aussi, la voix, elle va trembler, vous allez oublier des choses, enfin, non. Moi, en tout cas, je travaille toujours et c'est rare que je sois stressée. Hein. Bah, en tout cas, vous avez une force inouée. Hein. J'ai envie de dire tant mieux, hein. Si vous stressez pas, oula, moi je stresserais si j'étais à votre place. Hein. On va voir à Orléans. Parce que là, je commence à stresser déjà de ce que vous me dites. Non. Bah, si vous voyez des gens avec des drapeaux de Daniela, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Mon Dieu. En tout cas, nous avons fini les questions que les auditeurs nous ont posées dans nos réseaux et sur notre émission. Merci d'ailleurs. Merci à tout le monde qui s'est intéressé à mon travail et qui a posé les questions. En tout cas, de grands fans déjà, je pense. Oui. C'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, nous avons personnellement des petites dernières questions qui sont est-ce que vous pouvez envisager une collaboration si vous envisagez une collaboration, pardon, avec quel artiste vous aimeriez? Alors, il y a déjà quelque chose de fait dont je ne peux pas parler. Ah bon, c'est la surprise. Voilà. Donc je suis interdite de parler. C'est un secret, on le garde. Voilà. Mais ça va être quelque chose de très, très, très, très bien. Bon, on a hâte de te découvrir et d'être. Donc, parce que si je dis, si je réponds à cette question en disant l'artiste, ben, ce sera plus en secret. Mmh. Et si je dis à notre artiste, les gens, ils peuvent se dire que je vais peut-être faire. Enfin, donc, il vaut mieux garder secret. On garde en secret. Voilà. Une question qui sera répondue par vous en temps et en heure. C'est ça. À toi, Lucie, si tu as une question. J'ai une autre petite dernière question. Est-ce que vous pourriez nous parler donc un petit peu plus de vos passions en dehors de la musique? Qu'est-ce que c'est compliqué. Moi, c'est vraiment la musique. Hein. Non, après, mes passions. À moi, c'est musique, danse, musique. Alors, j'aime beaucoup l'esthétique, mais je pense que c'est un peu comme toutes les filles. Après, moi, ce que j'aime le plus en dehors de la musique, c'est la plage. Me poser au bord de la mer, regarder la mer. C'est vrai que ça peut être pas mal. Hein. Voilà, je sais pas si c'est considéré comme un hobby, mais. Ça peut. Mais c'est ça. Non, c'est la musique. Et déjà, c'est pas mal, parce qu'il faut savoir que niveau musical. Je n'ai pas d'imprésario actuellement, je n'ai personne qui gère ma carrière. J'ai choisi de faire ça toute seule. Donc de A à Z, que ce soit le spectacle, les vêtements, enfin tout, c'est moi qui gère. Donc je pense que ça, actuellement, je n'ai même pas le temps de faire des hobbies. Oui, la musique, ça vous en fait déjà pas mal. C'est vrai, oui. Mais on peut te qualifier du coup que l'écriture aussi, c'est un hobby pour vous? Complètement, oui. Oui, parce que l'écriture, complètement. Parce que déjà, donc avant de faire mon album et tout ça, à l'école, j'écrivais des poèmes. Ah bah nous, donc déjà, à l'époque, les profs au Portugal, les profs de portugais, elles envoyaient dans les journaux, donc ça sortait dans les journaux. Il y a eu un moment où il y a même un écrivain, c'est mon côté portugais qui ressort. C'est ça. Qui m'avait invité à écrire un livre, mais moi ça m'intéressait pas. Hein. Moi c'était chanter. Oui. Une question qui est venue en parlant d'écriture, les sons des musiques. Comment vous gérez la création de sons et par rapport à vos paroles? La mélodie? Oui, voilà. Alors, Je ne compose pas musicalement. Je ne joue aucun instrument. D'accord. Et donc, j'ai la mélodie dans la tête. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je travaille avec mon producteur. Et j'essaye de lui transmettre comme ça. Et heureusement qu'il est fort et qu'il a réussi un petit peu à transmettre ce que j'avais dans la tête. Parce que sinon, autrement, je joue aucun instrument. Ce qui est vrai, ce qui complique un peu la chose. J'ai essayé plusieurs fois des cours de guitare, de santé, tout ça. Dès que je commence à chanter, j'oublie, je lâche les mains, donc c'est pas la peine. C'est plus la voix qui est présente, du coup. Non, ouais, j'ai plein d'instruments à la maison, j'ai essayé plusieurs fois, mais c'est vraiment le chant qui vous passionne. Qui m'amène de l'autre côté, quoi. Qui, oui, sur le devant de la scène. C'est ça. Parce qu'on avait d'autres questions, mais vu que c'est des surprises, on peut pas les poser par rapport à l'artiste, à la collaboration. Mais on va faire un petit jeu avec vous si vous voulez. Alors on va faire des petits jeux. Nous, dans notre émission, on fait souvent des top 3, donc qui sont des tops par rapport aux artistes. Là, nos prochains tops, c'est tous les artistes qui viennent à Saint-Jean. Donc vous. D'accord. Et là, on voulait faire 3 musiques, peut-être les vôtres ou hors d'artistes, qui vous correspondent, et on va les noter et les diffuser pour un prochain top 3 si cela ça vous va. 3 chansons. Est-ce qu'il faut que ce soit portugais? Ah, pas forcément. Ok. Alors, la première, c'est la chanson de ma vie. C'est Tina Turner, Simply the Best. Tina Turner. Ça, c'est la chanson de ma vie. Et c'est comment le titre, pardon? Simply the Best. D'accord. Fais pas de faute, Mathis, c'est en anglais en plus. T'es anglaise, t'as qu'à... Ça, c'est vraiment la chanson de ma vie. Pas de souci, en tout cas une forte musique qui donne. Et voilà. D'ailleurs, je la chante avec fréquence, oui. Une autre question, du coup, dans le groupe fréquence, vous chantez tout type de musique? Oui, français, portugais, anglais, espagnol. On a hâte de découvrir. Plus tout portugais, ça. Bien sûr, oui. Parce que ça reste un groupe portugais, mais on en a quelques-unes aussi. D'autres langues, anglais, espagnol, français. Donc, en tout cas, le 6-7, on va pouvoir vous découvrir sur tout plein de musique. Oui. Oui, c'est vrai. Donc, ensuite, les prochaines musiques. La deuxième, ça va être celle de ma fille, la mienne. Elle est très belle. Quand elle va grandir, en tout cas, elle va avoir une belle musique qui est dédiée que rien qu'à pour elle. Elle se rend déjà compte, hein. C'est ça qui est le plus touchant, c'est que elle a 3 ans, je pensais qu'elle allait se rendre compte beaucoup plus tard. Et en fait, non, elle se rend déjà compte, elle me remercie quasiment tous les jours, oh. Elle la chante, enfin, c'est super mignon, quoi. Un petit duo de... Donc, je pense... Comment ? J'ai dit un futur petit duo entre vous et votre fille plus tard. Mais c'est fou. Je pensais vraiment qu'elle allait se rendre compte plus tard, mais non, elle s'est déjà rendue compte. Bah, c'est tellement beau et tellement magnifique que ce que vous avez fait pour votre fille, je trouve. En tout cas, c'est hyper touchant. Merci beaucoup. Et du coup, la dernière musique. J'ai envie de mettre quand même, encore une fois, la mienne, Danse Danse Comigo, parce qu'elle a été écrite par moi et que c'est celle que le public a le plus été réceptif. Ah, mais c'est, je pense qui a fait le plus grand succès, je pense. Oui. Alors qu'au niveau de la production, ils pensaient que ça allait être Danse avec moi. Et j'ai donc, parce que Danse avec moi, elle est sortie le 16 février, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. J'ai lancé un EP le 16 février, donc ça a été Danse avec moi et Como Te Amo. Mais ils pensaient que c'était pas celle-ci qui allait cartonner le plus. Et finalement, si. Donc j'ai envie de mettre celle-ci, oui. Ah, si, parce que du coup, ils pensaient que c'était Como Te Amo qui allait. Danse avec moi. Ah, oui. Bah, du coup, non, c'est dans ça, dans un comic. Moi aussi, je pense que je préfère aussi, d'un côté. En tout cas, mais vous savez qu'à tout moment, ça peut changer, hein. Ah, bah ça, ça fait. Va bien. Oui, c'est ça, parce que, bon. Pour l'instant, à la télé, j'amène que Danse Danse Comique, mais il se trouve que demain, j'amène Danse avec moi et qu'elle va cartonner. Ça dépend. Moi, j'ai connu des artistes que 10 voire 15 ans plus tard, et une chanson d'un album très très passé qui a cartonné. Des années plus tard, donc tout est possible dans la musique. C'est vrai. Bon, en tout cas, les musiques que vous nous avez dit, on les diffusera soit la semaine prochaine ou plus tard pour ce spécial Daniela Henriquez. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir pu répondre à toutes nos questions, aux questions que avec grand plaisir. Les auditeurs ont posées. Avec grand plaisir. Et voilà, je vais inviter tout le monde du coup à être présent avec nous le 6 juillet. Et j'ai hâte de rencontrer tout le monde. En plus, c'est une première pour moi, Orléans. Ah bon. Je n'y ai jamais été. J'ai entendu parler mes amis fréquences qui sont venus depuis 2-3 ans, je crois. Mais je n'ai pas pu les accompagner. Donc, ils m'ont très, très bien parlé des Portugais d'Orléans. Donc, maintenant, à moi de découvrir. Et c'est vrai que quand ils allaient, j'aurais jamais cru qu'un jour, je pourrais être là, moi, avec mon projet. Et donc, c'est aussi un rêve de réaliser. Je vous en remercie aussi de m'avoir invité à être là. Et c'est vraiment avec grand, grand plaisir. J'ai hâte d'être là. Bah nous aussi, on a hâte d'être. On sera présent le 6 et le 7. Bien sûr, le 5 et le 8, parce qu'on doit préparer tout ça. Mais on sera là pour vous écouter. En tout cas, moi, Lucie et Nathan, qui va arriver bientôt, et Lola, on forme du coup le groupe avec vous, on peut dire, dans la radio, de jeunes, car on est âgés de seulement 17-18. Bientôt 18. Bientôt 18. D'accord. On est jeunes. Ah oui, vous êtes tout jeunes. Tout jeunes, on est rentrés il n'y a pas longtemps. Lucie, elle a fait son entrée dans notre émission. Il y a 2 mois vers mars. Oui, 2 mois. Moi, je suis arrivé en octobre. Lola en octobre aussi. Et bientôt, nous allons voir un nouveau Nathan, du coup, peut-être. Et du coup, c'est pas à moi de poser les questions, mais du coup, vous êtes tous portugais ou des origines portugaises ? Alors, pas du tout. Moi, oui, je suis 100% portugais. C'est le seul portugais. C'est le seul portugais du groupe, on va dire. Non, moi, je suis française et anglaise. Lola, française. Et Nathan, il est français et thaïlandais. Mais franchement, c'est super bien. Bravo à vous. Pour moi, en tout cas, c'est une fierté de voir des jeunes, même si je suis jeune aussi, on n'a pas beaucoup d'écart d'âge quand même. mais de voir des jeunes qui reprennent des radios, parce qu'il faut savoir que les artistes, on n'est rien sans les radios et sans les télés. Mais surtout les radios, parce que la télé. On peut les voir, on peut regarder qu'à la maison ou dans un restaurant, mais la radio, oui, on l'a partout, hein. On l'a sur le téléphone, on va au restaurant, il y a la télé, être pas ici, au Portugal, parfois on prend le bus, il y a la radio, il y a la radio de partout, quoi. Vraiment, c'est vrai, hein, il y a la radio partout. Donc, vraiment, un grand merci à vous, parce que vous nous faites aussi évoluer. Et en étant jeune, je pense que vous avez d'autres choses à penser, d'autres choses à faire. Et vous prenez quand même votre temps pour être là et faire connaître notre travail. Donc, vraiment, courage à vous et un bravo. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, surtout merci aussi, pour vos musiques et votre participation à cette interview. Et votre grande gentillesse. C'est moi qui vous remercie. C'est moi, ça a été avec grand plaisir, merci beaucoup. Mais de rien, en tout cas, on espère vous retrouver très bientôt, du coup, le 6 et 7 juillet, comme on l'a dit. On sera là avec mamie, du coup, ta grande fan, on va dire, d'Orléans. Avec mamie. J'adore vraiment. Et d'ailleurs, je voulais aussi inviter les personnes à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Daniela Henriquez. Ensuite, il y a mon album qui est disponible, donc il y a aussi le CD physique. Donc si jamais il y a des gens qui veulent acheter, ils peuvent rentrer en contact avec moi via les réseaux sociaux ou sinon avec vous. Les CD seront en vente aussi le 6 juillet au local du spectacle à Orléans. Et le clip aussi, j'invite à regarder les personnes qui veulent jeter un petit coup d'œil sur le clip qui a été filmé au Portugal. C'est comme je disais tout à l'heure, même sur le clip, j'ai choisi vraiment tous les détails, le cheval, tout ça, ça a été vraiment tout choisi au détail. Le cheval aussi, c'est une passion pour vous ? Oui. Oui, complètement, oui. Le cheval, oui. Je veux encore, c'est un de mes objectifs, d'avoir un cheval. Bon, en tout cas, si vous continuez vous aurez pu, vous l'aurez, en tout cas on l'espère pour vous, réaliser tous vos rêves. Honnêtement, le plus grand rêve, ça a été, mes deux grands rêves de ma vie, hein, c'était d'être maman et d'être chanteuse, d'avoir ma carrière. Donc si j'ai réussi ça, je pense que le cheval, je peux l'avoir quand même. Ah oui, je pense aussi, surtout au Portugal en plus. Je pense. En tout cas, une petite dernière question qui sera comme ça pour tout le monde. Ah, si vous avez un message à faire passer à tout le monde, à ceux qui nous écoutent, à la famille, à tout le monde, ça serait quoi? Ne laissez jamais tomber vos rêves. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe les portes qu'on vous ferme, peu importe ce que vous entendez, suivez toujours votre tête, votre cœur et allez-y en avant. Même si vous y allez tout seul, allez-y. Bon, on note tout J'espère ça. Que et tout le monde note parce que oui. On va faire le slogan. Et pour tout dans la vie, pour tout dans la vie. Pas seulement si vous voulez être chanteur. Pour tout dans la vie, peu importe si les gens y croient pas, vous y croyez. Donc même si vous arrivez au bout, que vous dites et c'était pas là, c'est pas grave, vous revenez en arrière et vous recommencez. Tant qu'on est en vie, on peut toujours tout faire. Ne jamais relâcher ses efforts. Et oui. Jamais. Bah, en tout cas, merci de ce très bon conseil. On va faire un slogan, ne jamais baisser les bras. Voilà. Ouais. Jamais, il faut jamais baisser les bras. Peu importe la situation de la vie, jamais. En tout cas, encore un grand merci, Daniela. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'être beaucoup. Là. Merci à vous. À très bientôt. On va continuer notre émission, nous, avec votre album. Ça passe vite le temps. Ah, ça passe très très vite. Hein. Dans pas longtemps, je suis là. Dans pas longtemps, dans même pas presque un mois, on va dire. Ça va, un mois et demi. Oui, un mois et une semaine à peu près, oui. Mm. En tout cas, sur scène, chanter votre album, Alma. En vrai aussi. Et le groupe Fréquence. Oui, le groupe Fréquence qui sera là le 7, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, le 7. Donc le 6, je vous présente mon spectacle. Bon, c'est dommage parce que je n'aurai pas mes danseuses avec moi ce jour-là. Oh, il y aura Lucie qui Mais il y aura d'autres occasions. Il y a Lucie qui se propose à danser. Non, non, moi, je ne proposerai pas. Il y aura Mathis, oui. Ah, pour mes danseuses? Ah bah oui, on, Lucie, elle va se proposer. Lola. Ah, mais avec grand plaisir. Il rigole. Attention, parce que moi, je retiens. Non, Lucie, tu vas être attrapée le 6 sur scène. Tu vas devoir monter et danser. Hein. Ah, voilà. Je suis timide. Et ensuite, le 7 avec Fréquence. Eh bien, on a hâte de découvrir tout ça. On est très, très impatients, je pense. Moi aussi. En tout cas, un grand merci beaucoup et à bientôt. En tout cas, on va découvrir à la suite de notre émission jusqu'à 18h l'entièreté de votre album. Merci. Merci beaucoup et je fais des bisous à tous les auditeurs et aussi à vous. Merci beaucoup. Bisous. Merci, à bientôt. À bientôt. Chega mais perto, eu quero a tua mão. Ei, no som daqui, som da, dá mais um passo, tira o pé do chão. Ei, quero ficar aqui, sempre colado aqui, em harmonia. Ai, ai, ai. Neste balanço, ai, ai, ai, ei, ei, garota, vou saudade, meu amor, é o martírio maior da minha vida em pedaço. Desde a tarde desse dia em que ao longe se perdia para sempre o som dos teus pais. Fazem lembrar silêncios do teu olhar, segredos da tua voz. E essa antiga melodia que o vento na ramaria murmurava só para nós.

volte che morte la sente non pare la toppe quando la testa e volte che morte la sente non pare toppe quando la testa e volte che morte ne vola non pare toppe quando la testa e volte che morte ne vola non pare toppe a te vida poderosa basta de tocar ferro pra te ver perdendo a linha teu sossego na minha mente, de um jeito indecente não como mais, não durmo mais, eu vou ficar doente, tá querendo de novo, já caiu no meu jogo, não pode se queimar, então pra que brincar com fogo, mas eu sou artilheiro, vou virar o jogo, vou partir pra cima, de virada é mais gostoso, eu ganho essa parada forte, ficar ligada, vai ver que eu sou zica, ah, você acredita? Quando eu desço em volta, remoto, rebolo, não paro, toco terror, quando ela desce e volta, remoto, ela sente, não para. Ela toca terror. Eu desço, não paro, rebolo. Eu toco terror. E ela desce, não para, rebola. Toca terror. Eu desço, não paro, rebolo. Eu toco terror. E ela desce, não para, rebola. Toca terror. Chama, filho. Anitta, quando você bola, é tipo como? Tipo terremoto. Nem diria. Acredita? Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Olha, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. Que cor? Violeta. Na boca, na bochecha. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom. Que cor? Cor azul. Na boca, na porta do céu. Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Olha, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pra quê? Pra passar batom. Que cor? Violeta, na boca e na bochecha. Pega ela aí, pra quê? Pra passar batom. Que cor? Cor azul, na boca e na porta do céu. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pra quê? Que cor? Violeta, na boca e na bochecha. Pega ela aí, pra quê? Pra passar batom. Que cor? Cor azul, na boca e na porta do céu. Pega ela aí. Comigo, le titre de Daniela que nous avons eu au téléphone et en interview avec vous tous. il y a quelques instants, Lucie. Il y a quelques instants, oui. Et qui était très gentille, très adorable et qui donne très envie de la découvrir. De l'écouter chanter, je sais pas, pour toi en tout cas. Ah bah moi je l'ai trouvé très gentille. Je sais pas, elle est très gentille. On est un peu fan, on va faire le fan club de Daniela. Allez, hein. On va commencer un compte fan. Daniela fan. Bah écoute, on va arriver le 6 et 7 avec nos affiches et nos petites dédicaces, celui-ci. Oui, bah oui. Quand même, des vrais fans. En tout cas, on la remercie encore énormément et n'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux sociaux, découvrir son album Alma, comme elle avait pu nous expliquer ses titres, tout ce qu'elle avait au plus profond, comment elle l'a créé. Et en tout cas, très touchante et qui me donne envie d'écouter, pour moi en tout cas. Oui, moi j'ai bien aimé son histoire, elle est très touchante. Lucie, ça devient sa fan. Comme on l'a dit tout à l'heure, Lucie va être la danseuse. La danseuse non. Du 6, elle va remplacer les danseuses. Faut que tu achètes ta robe de cha-cha. Hein. Mais non. Je suis sûre que tout le monde a hâte. Tout le monde veut te voir danser, Lucie. Non, moi j'ai pas envie qu'on me voit danser. Hein. Oui, mais il a des fans, Lucie aussi. Si vous voulez que Lucie danse, appelez et dites-nous que Lucie danse. Si vous voulez que ce soit Mathis aussi, appelez-moi. Non, appelez Lucie, c'est au 02 38. Non, je continue. Ah, 43, 48, 00. Ah, elle veut pas parce qu'elle sait que je vais gagner. Non. Mais en tout cas, Lucie, on veut te voir quand même ce jour-là, en tout cas. Et on oui, va te voir. J'y serai, mais pas sur la scène en train de danser. Peut-être pas sur scène en train de danser, mais sur scène, peut-être, ou n'importe. En tout cas, on vous prépare plein de surprises ce jour-là. Plein d'idées qui concoctées. Voilà, merci, Lucie. Ça va aller. C'est que la fin de la journée, c'est que le début. Tu vas voir, tu vas vraiment finir sur scène, je te le dis. Bon, on continue en musique avec Danza Kumbig. Sem magia para acontecer o que antecede. Este sonho que eu vou descendo a ponto cego. Infelizmente eu volto sempre ao ponto zero. Só não quero parecer pretencioso, mas presinto que o futuro é o que nos pertence hoje. Não pretendo pretendentes presentes pintadas de ouro. Entendo que há quem tente, mas és diferente a 100% e hoje não assumo qualquer uma como era costume. Isso custou-me relações impróprias para consumo. Mas lá no fundo sabes que eu já não confundo amor de lume vago com amor de vagalume. Quando estamos juntos este mundo mostra danos. Previsão de nós tratamos com o amor que nós travamos. Mas se nos perdoamos por tudo que a sós tramamos, que vivamos muitos anos pois do resto nós tratamos. Eu não peço mais que o desejo desse beijo que eu não esqueço mais. E receios quais se vivermos do que queremos somos imortais. Mas diz-me o que é de fazer se és parte desta história. Sem querer acabas de cozer mais do que eu podia imaginar. Mas diz-me o que é de fazer se és parte desta história. Sem querer acabas de cozer mais do que eu podia imaginar. Improvisos, eu prefiro os imprevistos. Nem preciso de ser visto contigo para termos isto. Pois tudo que eu me visto é só por saber que existe algo mais do que palavras onde o coração insiste. Já não relato quando me relaciono, mas és de facto aquela que eu tenciono ter no meu quarto e amar-te para sempre. Onde não me farto de pensar em como te direciono. Só espero que a vontade impressione, pois quero a levar a cabo sem que isto te pressione. Mas se acabo a não ter o que ambiciono, faço um pacto com o diabo para que o mito funcione. Eu não peço mais que o desejo desse beijo que eu não esqueço mais. E receios quais se vivermos do que queremos, somos imortais. Mas diz-me o que é que hei de fazer se as partes desta história sem querer acabas de por ser. Mais do que eu podia imaginar. Mas diz-me o que é que hei de fazer se as partes desta história sem querer acabas de dizer. Mais do que eu podia imaginar. É, eu quis-te sem querer e sem ter. Mas como esconder, não consigo conter. Sem dizer que preciso entender. Então diz-me o que é que hei de fazer se as partes desta história sem querer acabaste por ser mais do que eu podia imaginar. Et tout à l'heure avec Daniela, nous avons pu évoquer son titre Fille qui était dédié à sa fille et qu'elle avait écrite pour elle. Et ce week-end, il y a quelque chose par rapport à l'enfant et la maman. Qu'est-ce que c'est, Lucie? La fête des mères. Et oui, c'est la fête des mères. Et le 26 mai, donc ce dimanche, toutes les mamans seront à l'honneur. Et pour cette occasion, les établissements Mariano ont le plaisir de vous offrir une remise de 10% pour tout achat supérieur à 50 euros. Donc n'hésitez pas à gâter vos mamans avec une multitude de produits du soleil. Donc, si Lucie, tu ne sais pas à quoi acheter à ta maman, il faut que tu t'y rendes. C'est vrai qu'il faut que je commence à penser à un cadeau, mais elle mérite ça, donc je vais y penser. Donc les établissements Mariano vont nous aider grâce à cela, et toute leur équipe, nous vont souhaiter à toutes les mamans une très joyeuse fête et nous donne rendez-vous du coup à 1 rue de l'Orme Gâteau à ce mois, ainsi qu'au 5 rue André Boule à Bois. Donc n'hésitez pas à venir acheter votre petite cadeau pour votre maman. Donc maman, je sais pas si je suis sûr que j'irai là-haut, peut-être j'irai acheter. T'as pas encore ton cadeau, Mathis? Alors mes idées sont déjà là. Après l'achat n'est pas peut-être pas effectué encore. On est deux. Mais en tout cas, ça va arriver, ça va arriver. On continue du coup avec le titre Filia de Daniel Henriquez. Desaparecer. És um sonho real. proteger-te até ao fim. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Curd, you know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb. Después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después bailamos. Oh, un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime un, dos, tres, un, dos, tres. La, la, la, la, la. To talking and let my love in ease mine. If love's the game you play a million times, I'll be giving from it. I'll be good coming in. Baby, me on the edge. Chasing the rule of oh. If you wanna turn it on, go get a light bulb. Después hablamos. Yeah. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después bailamos. Yeah, yeah. Oh, un, dos, tres. Un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime un, dos, tres. Un, dos, tres. La, la, la, la, la. juste d'écouter un des titres de l'album. Ensuite, je vais vous parler de la cérémonie en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, qui se déroulera dans le village de Pathé, dans le département, dans le 45-310, le 24 mai à 19h. La messe du jour durera 30 minutes, qui sera suivie du chapelet et se terminant par une procession au cierge en plein air. Et puis à la fin, nous aurons un goûter au son de la concertina et de la musique portugaise. Donc il y a une invitation à tous les fidèles de Notre-Dame, patronne et mère des Portugais. Donc une invitation à être convié pour les Portugais. Voilà. En tout cas, on va continuer notre émission avec plein de musique de l'album de Daniela. Donc on va venir juste en découvrir une nouvelle. Découvrir. On s'est fait un peu longtemps qu'on... entre guillemets. Entre guillemets, car on l'a fait un peu passer tout le monde. À part pour ceux qui ne la connaissaient pas, ils ne sont pas tombés dessus. Mais on va continuer avec plein d'autres titres de son album, dont Danse avec moi, dont elle nous a tant parlé dans notre interview. Oui. Qui est l'amour entre une Française ou une Portugaise, ou à l'inverse, ça dépend comment on prend la musique. En tout cas, on continue notre émission. Donc, deux dates à ne pas oublier, qui est le 26 mai pour la fête des mamans. Donc, les établissements Margano vous invitent à venir acheter des petits cadeaux pour votre maman, mais aussi... Et puis, le 24 mai, qu'il ne faut pas oublier, pour la cérémonie en l'honneur de Notre-Dame de Fatima. Donc voilà, deux dates importantes à retenir. Que no te atreves si lo hacemos ahora. No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, es que no se baila no hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, es que no se baila no hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Chama no passinho. sentir pra eu me levar. Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto. Vocês! Ei, alegria, viver solteira é ter qualidade de vida. Alegria, viver solteira é ter qualidade de vida. Passado é passado, e quem não gostou, tá pra casa do caramba. Ex, é ex, passado é passado, e quem não gostou, tá pra casa do caramba. Ex, é ex, passado é passado, e quem não gostou, tá pra casa do caramba. Ex, é ex, passado é passado, e quem não gostou, vai pra casa do. Trocam é assim, fico fora de mim, fora de mim. Não dá para disfarçar este meu olhar, que só te quer a ti, só quero a ti. Mas eu não falo francês, vais ter que me ensinar. Por enquanto vou dizer o que te quero. Titre qui reste dans notre tête maintenant, dont on connaît les paroles, dont Daniela nous a parlé. On va continuer avec une dédicace de Sandra. Tout d'abord, elle souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Elle fait des bisous à tout le monde. Et elle nous remercie à nous, moi et Lucie, pour l'interview. Elle nous remercie de l'avoir fait et qu'elle était très bien. Et elle remercie Daniela et elle a très hâte de la découvrir encore plus. Le 6 et 7 juillet, donc vous aussi soyez présents. Et pour ça, Sandra a voulu écouter une musique très latino qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois. Gata Olin, qui est l'artiste qui a composé cette musique, et la musique s'appelle Floyd Menor. Te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar a pagar. la pones de los modallón. Tú mi loca y duro borrón. Te supones pa' mí y yo por ti me digo toda la munición. Tolo, dime dónde estás, te quiero chingarte, voy a arrastrar. Déjate llevar y apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada. Solo deja llevar, detrás de esta locura. Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo. Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres like for me. Yo tu rapi, gata, tú estás un link, mándame tú. Se escapó, el que la rompe soy yo, me la robó de menor. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, imaginándote, al oído gimiéndome. Y yo la sigo enamorando, regalando, tú te comprando, lo guste más que te quiere. Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy volando, esta sola tú prefieres. Nous avons une prochaine dédicace qui est de Maria pour nous les animateurs, donc pour Mathis et moi, qui fait aussi une dédicace pour sa maman et qui fait donc des gros bisous à tout le monde, qui nous souhaite que du bonheur, qui nous fait donc de gros bisous et nous allons mettre la musique prochainement. Tout à fait, et la grand-mère qui nous fait ses dédicaces et du coup Mamie qui est la fan de Daniel Henriquez et qui hâte de la découvrir le 6 et 7 juillet. Donc voilà Lucie, tu le sais maintenant. Donc on écoute pour ça la musique de Georges Ferrat, Mamie. És a força infinda, a palavra mais linda que Deus pôs no mundo. Mãe, és princípio sem fim, serás sempre para mim sublime majestade. Mãe, és o cimo da esperança, a mais bela aliança, o amor mais profundo. Teu amor verdadeiro, de todos o primeiro, é pureza e verdade. Mãe, mil e uma canções já ouvi, com palavras que falam de ti. Mas por mais que elas falem, e por mais que reclamem, não dizem quem é. Que para além da vida és sempre mãe querida e eu sempre a teus pés. Mãe, sou um ser do teu ser, fruto do teu viver, vida da tua vida. És a luz no caminho e o teu puro carinho é o sempre de outrora. Mãe, conselheira soberana, quantas vozes te chamam, aurora sagrada. Mãe, doce nome bendito, virgem no infinito, que tem Nossa Senhora. Mas por mais que elas falem e por mais que reclamem, não dizem quem és. Mãe, o coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida és sempre mãe querida e eu sempre a teus pés. Mas por mais que elas falem e por mais que reclamem, não dizem quem és. Mãe, coração amigo leal, mãe querida universal, que para além da vida és sempre mãe querida e eu sempre a teus pés. C'est donc ta... à nous de faire une dédicace pour Daniela, pour la remercier pour cette fabuleuse interview, d'avoir pris son temps pour nous avoir écoutés, pour qu'on puisse lui poser des questions et pour qu'elle puisse y répondre. Donc on va la remercier et donc on va lui mettre sa musique préférée qui va être prochainement mise. On la remercie encore, on lui fait des gros bisous, c'était super. Et qui est sa musique préférée? Tina Turner, The Best. ciel, c'est du soleil toute la journée. N'est-ce pas, Lucie ? Une petite nouvelle pour vous. Une petite nouvelle. On l'a un peu dit à l'heure dans l'interview, mais on ne sait pas si vous avez fait attention. Est-ce que vous avez retenu cette nouvelle ? On ne sait pas. Alors, du coup, notre nouvelle, je vais te laisser te l'annoncer. Petite surprise. Après mon arrivée, on a une autre arrivée 2 mois après. Donc, on a un nouveau co-animateur, on va dire. Un nouvel animateur. Un nouvel animateur qui vient dans notre groupe avec vous. Donc, pour nous rejoindre. La petite équipe de jeunes, on va dire, qui est composée donc de moi, de Lucie, de Lola et de maintenant... Et du nouveau. Qui s'appelle Nathan, qui est venu la semaine dernière avec moi pour faire découvrir les locaux de Radio Arc-en-Ciel. Le monde de la radio. Qui lui a beaucoup plu et qui je l'avoue, était très très doué déjà. Très doué dès le début, très à l'aise. Plein de messages ont été donnés, en tout cas, qu'il avait. Parce qu'on avait fait une petite blague en disant je te raconte un peu parce que tu n'étais pas là. Mais comme quoi, il fallait qu'il passe le BAFA animateur. le diplôme d'animateur, plutôt, je vous fais dire. Mais le BAFA aussi, ce qui m'avait sorti. Mais du coup, il a voulu vraiment le passer. Et du coup, peut-être prochainement dans une émission. Peut-être qu'il l'aura, mais. Ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait. En tout cas, la semaine prochaine, peut-être, il sera présent avec nous, Lucie. Oui. Donc, on va accueillir chaleureusement Nathan qui fait partie du coup de notre groupe avec vous. En tout cas, on a hâte de le voir avec nous. Il va donc créer une nouvelle chronique, comme nous. Comme nous, on comme fait, nous. Oui. On va un petit peu rappeler, quand même, se représenter. Lucie, donc je vais te laisser présenter un peu ta chronique. Alors moi, ma chronique, ça reste toujours hein, sur les films et les séries. Alors un peu plus les séries quand même. Oui, c'est aussi, c'était plus les séries, mais bon. On a fait quelques films la dernière fois que je l'ai faite, et puis la prochaine fois, j'en ferai une aussi. Hein. Tout à fait. Et Lola qui, elle, fait l'horoscope. Et moi, je fais mon top 3, donc des artistes. Sur les trois titres les plus importants de leur carrière ou trois titres qui nous tiennent à cœur, nous, ça dépend comment on choisit, mais aussi sur les pays, car au début je faisais ça sur les pays. Par exemple, on a fait les top 3 de la semaine au Portugal, en France, en Espagne, en Argentine, ce qu'on avait déjà fait comme pays, mais tout ça change. Mais en tout cas, les prochains top 3, donc comme vous l'annoncez, sont spéciales plutôt sur les artistes qui seront à la Saint-Jean. Donc nous avons pu découvrir Daniela, qui aujourd'hui on ne voit plus encore. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Nous avons fait Capa Negra, le groupe qui est composé de 4 chanteurs, donc de Jérôme, de Marilyn, de Dom et de Katia. Nous avons aussi fait Rouzing du accordéon. Et pour l'instant nous avons fait que 3. Mais cela va le être... top 3 il s'allonge en fait. Voilà, c'est pas un top 3, c'est un top 18 un peu quand même. Donc la semaine prochaine nous aurons un top 3 sur une chanteuse, donc un petit indice déjà, mais il reste 2 chanteuses encore à la Saint-Jean qui arrive. Donc vous connaissez les deux, soit Teresa Carvalho ou soit Carla Blondi, donc les deux seront dessus. Il reste encore comme artiste que je ne sais plus son prénom, mais il faisait partie du groupe Irmand Verdan. Nous aurons aussi Osh Maravillos, Maravilla, je ne sais plus trop comment dire. Parce que tu sais mieux que moi. Et aussi le groupe Fréquence et DJ Frankie qui sera le samedi. Donc il reste encore de nombreux artistes à découvrir dans nos top 3. Au final, c'était pas un top 3. Oui, bon, bah si c'est top 3 sur les musiques, je voulais dire. Ouais, top 3 petits points plutôt. On va peut-être changer de nom un jour ou l'autre, mais en tout cas, voilà. Mais sur ce, donc nous aurons une nouvelle chronique de Nathan. Donc on continue en musique avec la fin de la musique, Beijo de Funana, et on se dira au revoir après. Dire au revoir et à mercredi prochain, n'est-ce pas Lucie? Bah oui, au revoir tout le monde, et c'était super sympa cette interview. Cette interview nous a tellement plu, on est très contents. Oui. Et en tout cas, on fait des bisous à tous et à la prochaine, donc mercredi prochain. N'oubliez pas la fête des mères. Oui, ce dimanche. N'oubliez pas. Elle mérite. Venez avec vos petits bouts de fleurs. Toi aussi, il faut qu'on commence à chercher nos cadeaux. Moi, il faut que je repense vraiment à chercher parce que là. En tout cas, on laisse la place à l'émission de Violette et on se dit à bientôt. À bientôt.